Eh bien oui, Eva Kate, accroche-toi à tes rêves. Eva Kate, du théâtre à la chanson, nous allons découvrir tout son univers musical avec cette chanteuse à la voix. Bonjour Eva. Bonjour Sébastien. Bienvenue sur Arc-en-Ciel, merci eh bien, à toi de nous accorder un petit coucou. Alors Eva Kate, accroche-toi à tes rêves. Oui, il faut s'accrocher toujours à ses rêves. Alors d'où est-ce que ça vient cette chanson? Bah, en fait, ça vient de moi. C'est une de mes compositions. Moi, je suis une artiste qui est issue du gospel. Oui. Donc, avec c'est une musique avec laquelle j'ai exploité mon improvisation et ensuite je me suis consacrée à mes propres maquettes et ça a donné en deuxième partie Accroche-toi. D'accord. Et alors, donc ça, tu as composé toi-même la musique, les paroles? En fait, c'est moi qui ai écrit les paroles, c'est moi qui ai composé donc la musique, mais j'ai fait appel à un arrangeur pour me poser la musique. D'accord, c'est super. Alors, Eva Kate, déjà, d'où est-ce que ça vient? C'est un nom de scène? C'est un petit diminutif? D'où est-ce que tu as trouvé ça? Ben, c'est un pseudo, en fait. Hein. Je vous cache pas que c'est un pseudo. D'accord. Et voilà, Eva, ça m'a toujours fait rêver. Eva, ça me fait penser à Eve, un peu. Voilà, à la femme originelle. Et Kate, j'ai voulu me donner une petite connotation américaine. Kate. Ça marche toujours mieux, surtout avec la musique. Oui, c'est sûr. Alors oui, parce qu'en plus, Eva Kate, tu t'es inspirée un petit peu, comme tu disais, du gospel, mais tu as une démarche assez R&B, hein, donc c'est aussi pour ça qu'il faut peut-être avoir du groove, du R&B, un nom qui va avec. Oui, tout à fait. Donc, je me suis donné ce pseudo parce que j'aimais bien, tout simplement. Bon, oui, parce que Chantal Martin, R&B Groove, ça sonne un petit peu moins. Ouais, je pense aussi, oui. Comme beaucoup d'artistes hein, qui ont des pseudonymes. Hein. Oui. Ah oui, beaucoup d'artistes hein, choisissent en fonction un petit peu de ce qu'ils veulent donner. Hein, donc, il n'y a pas Exactement. De souci. Tout à fait. Alors, donc, ce qu'on a entendu, c'est extrait du quel album? C'est ton premier, ton dernier? Dis-nous un petit peu plus pour savoir. C'est la réalisation de mon premier EP. Donc, faut savoir que moi, je suis auteur, compositeur, interprète. J'étais choriste. Aujourd'hui, je me consacre. J'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts. Récemment, je viens donc de finir la préparation de mon EP, qui s'appelle Dites-moi comment faire. Donc de 7 titres et faut savoir que je le produis moi-même, je suis auto-production. D'accord. Donc c'est pas toujours évident, oui. Mais on y arrive quand même. Donc là je suis sur la finition de la réalisation de mon EP et donc il serait tardé à être sur les plateformes telles que Zimbala, iTunes dans un premier temps. D'accord. Et ensuite pour réaliser donc le CD physique et ensuite réaliser un clip. D'accord, bah c'est super. Et un petit site justement, on peut te retrouver. Est-ce qu'il y a un petit Eva Kate, un petit truc comme ça, c'est Facebook. Dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver l'actualité ou tes morceaux? Eh ben sur Facebook, donc sur www.evakate Facebook, sur Facebook directement. D'accord. Mais moi, je propose, on va s'écouter un autre petit morceau à toi, et puis on va reparler juste après pour voir un petit peu d'où est-ce que ça devient cette idée. Et c'est ce titre-là. Écoute, tu connais ça? D'accord. Let me make you. Cette musique, corps sur ces accords, je veux t'enflammer au sentier, à la chaleur de ton corps, au rythme mélodique qui sans cesse suscite. type de sexe m'excite sous cette musique. Approche-toi de moi, fais-moi frémir de tes mains jusqu'au creux de mes reins. Approche-toi de moi, fais-moi rugir, bondir de plaisir jusqu'au creux de mes seins. Sur ces accords, je veux t'enflammer, sentir la chaleur de ton corps. Au rythme mélodique qui sans cesse suscite le sexe, m'excite sur cette musique. Goûte-moi, goûte-moi, quoi qu'il m'en coûte. Je n'assurerai personne sans traver sur ma route. Se mettre entre toi et moi, pour toi j'irai jusqu'au bout de l'Himalaya. Goûte-moi, goûte-moi, quoi qu'il m'en coûte. Sur les personnes sont travées sur ma route. Je déploierai mes ailes. Pour toi, j'irai te décrocher le ciel. L'odeur de ton odeur ne cesse de m'envahir l'esprit. C'est si bon, je n'en peux plus. Je suis à l'agonie. Oh yeah, je suis. Eva Kate sur Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est quoi ça qu'on écoute derrière nous, Eva? Ah c'est super, ça fait plaisir parce que celui-là c'est la première fois que je l'entends à la radio. Ah oui. Et un titre qu'au départ j'avais écrit pour le spirituel. D'accord. Et ensuite c'est devenu un titre qui a sorti des choses au contraire vachement plus profondes. Et en fait j'avais envie de parler un peu de d'enveloppe charnelle, de sexe, en fait. Et ça tombe bien, voilà, on est bientôt sur la Saint-Valentin, donc c'est bon. Hein. Ça tombe bien. Ah oui, oui. D'accord. Donc voilà, j'avais envie d'écrire une chanson un peu plus osée. Et ça a donné coûte que coûte. En fait, coûte que coûte, et quoi qu'il m'en coûte, c'est je suis là, quoi. Je serai là jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'à l'Himalaya. Je baisserai pas les bras, quoi. C'est ce qu'on sent d'ailleurs dans tes chansons à chaque fois. C'est comme tu dis, coûte que coûte, l'envie. On sent bien qu'il y a une envie de forcer la porte blindée des chanteurs, parce que c'est pas facile d'y aller. Et on a vraiment l'envie, on te le sent dans la parole à chaque fois, dans toutes tes chansons. C'est du vécu, quoi. Oui, en fait, voilà, tout à fait. J'ai baigné dans la musique depuis ma tendre enfance. J'ai commencé par prendre des cours de chant, j'étais au conservatoire, ensuite j'ai pris des cours de théâtre pour développer l'aspect scénique. Ensuite, j'ai fait partie d'une association avec laquelle j'ai donné des concerts, avec qui, d'ailleurs, j'ai appris déjà à faire tout ce qui est travail harmonique. Oui. Et à qui on a beaucoup tourné et ensuite j'ai décidé d'arrêter le gospel pour me consacrer justement à cet album qui dégage ce que j'avais envie de dire. Donc accroche-toi, c'est plutôt un message de paix, un message de positif, en fait, de dire des choses positives, de faire comprendre aux gens que il faut qu'ils s'accrochent à leurs rêves, il faut pas qu'ils baissent les bras, même si le chemin est long, faut persévérer, faut pas lâcher l'affaire. Et coûte que coûte et quoi qu'il m'en coûte, c'est un peu ça. Mais sauf que il y a le côté un peu qui prend le dessus, c'est plutôt le côté charnel. Oui, le côté charnel. Et alors en plus des petits cours, ne serait-ce que le cours Florent, c'est quand même bien déjà. Ah oui, franchement. Parce que oui, le cours Florent, oui, quand même, c'est une institution. Hein. Oui, tout à fait. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, donc je fais aussi du jazz. J'ai arrêté le gospel, mais je suis dans un concept jazz au conservatoire avec lequel j'essaye toujours de travailler, de développer aussi mon oreille, de continuer à travailler parce que la musique c'est un travail de longue haleine. Et faut toujours travailler, mais toujours. Le talent ne suffit pas. Je pense qu'il y a aussi l'ardeur du travail derrière. Et moi, ce qui est beaucoup plus complet chez moi, c'est que ce qui est aussi le plus difficile, c'est que je fais tout pratiquement toute seule. Je suis auteur, compositeur, interprète et je produis et j'autoproduis. Donc c'est un double travail. Je fais tout, la pochette, je réfléchis à tout et c'est pas toujours évident. Oui, c'est du boulot, c'est des ça. Des fois chaque être humain, je pense que parfois, ou même chaque artiste, doute. On a tous quelques doutes. Et justement, faut se rappeler à chaque instant que non, même si le chemin est long, faut croire en ce qu'on aime et il faut aller au bout de ce combat. D'accord. Alors justement, on avait un artiste la semaine dernière avec moi et j'aime bien faire un petit peu ce jeu de questions-réponses entre les artistes. Mais tu as répondu à sa question parce qu'en fait, sa question, il voulait savoir pourquoi tu chantes, pourquoi tu aimes chanter. Ben, je crois que déjà, tu as répondu à la question là. Ah oui, moi j'ai grandi avec la musique, j'aime la musique. Je pourrais pas vivre sans la musique. Il y a un grand philosophe allemand, je me souviens plus tellement de son nom, mais qui disait que la vie sans la musique serait une erreur. Oui, la vie sans la musique serait une erreur. Donc pour moi, c'est vraiment le cas. Et j'ai besoin d'écrire, c'est comme une espèce de exutoire. C'est même vital, je dirais. Moi. D'accord. Alors Eva Kate, il y a des... À part là, les petites sorties qu'ils ont fait, tu fais des reprises aussi de chansons ou tu fais que de la composition? En fait, actuellement, j'ai un titre sur lequel j'ai fait une adaptation qui apparaît sur le nouvel EP que je suis en train de finaliser, qui s'appelle Oh là là là la longue. Et ça donne quelque chose de très bien. Eh bien, moi, ce que je te propose tout de suite. Je ne sais pas si on vous la longue, alors. On écoute ça tout de suite. Oh, nickel, super. Allez, Eva Kate, Oh là là là, sur Radio Arc-en-Ciel. Et on se retrouve juste après. 11h34, ne change rien. Que je tombe, amoureuse à la longue, amoureuse à la longue. Je tombe, je succombe à la longue. Oh là là là là, longue. J'ai voulu résister. Sans même le savoir, déjà de loin j'entends se raconter l'histoire que je connais. Car je sais quel vertige l'amour m'inflige. Je sens qu'à la longue je succombe, j'ai sombré, j'ai lâché prise et je m'enlise dans des sentiments. Je succombe, j'ai perdu le contrôle. Me voilà folle, tu me frôles. Et voilà que je tombe. Amoureuse à la longue, amoureuse à la longue, longue, longue. Je tombe, je succombe à la longue. Oh la la la la longue, longue, longue. Amoureuse à la longue, amoureuse à la longue, longue, longue, longue. Je tombe, je succombe à la longue. Oh la la la la longue. Plus je crains de te voir, tellement j'en ai l'envie. Plus les symptômes empirent, plus j'ose y croire. Plus je sens m'envahir ce doux délire que je craignais. Car je sais dans quel songe l'amour. Et j'ai lâché prise et je m'enlise dans des sentiments mouvants. Je sens qu'à la longue je succombe, j'ai perdu le contrôle. Me voilà folle, tu me frôles et voilà que je tombe. Et ça fait du bien, Eva, cette petite musique amoureuse. C'est une version qu'on ne connaît pas, c'est vrai, il faut l'avouer. Ouais. Et là, donc, en fait, ça, c'est une reprise qu'on t'a soufflée. Tu as envie, t'aimais bien cette chanson-là. Tu dis, tiens, faudrait que j'adapte. En fait, c'est une idée qui est venue d'un ami et qui l'a proposé et qui m'a proposé de faire cette adaptation. Et donc, je l'ai faite. Ah oui. Parce que ça me plaisait. Et j'aime bien le groove de cette chanson, les paroles de cette chanson. C'est quand même l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un garçon, mais qui ne sait pas trop si elle doit y aller ou pas, parce qu'elle sait très bien que, au final, il va lui faire du mal, en fait, sans bon cœur. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette chanson. Et puis, à la base, c'est vrai que ce rythme un peu kicking, un peu ce rythme reggae aussi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai déjà que... l'original est sympa et c'est vrai que j'avais vraiment envie de reprendre cette musique à ma sauce. D'accord. En fait. Il y en a eu hein, qui l'ont repris cette musique et pour te dire, moi j'ai un ami chanteur et j'aime bien cette chanson-là aussi et je lui ai dit, il faut que tu la reprennes avec ta voix. Et au début, il hésitait un petit peu et il nous a fait une reprise aussi, mais pareil, intouchable à la longue, ça donne, c'est quelque chose. On va essayer de l'écouter, tiens, pour finir tout à l'heure. Ça ensoleille et puis alors, c'est vrai qu'il fait un peu grisou ce matin, un petit peu des petits flocons de neige par-ci par-là. Donc je sais pas, toi tu es de Paris, hein, le temps qui fait à Paris, ça va être grisonnant. Je suis de Paris, Sébastien, mais je te cache pas que je viens de rentrer ce matin de la Thaïlande. Ah bah oui, forcément, ça change tout, alors. Ouais, donc, je reviens de la Thaïlande et c'est vrai qu'il faisait magnifiquement beau. D'accord. Et quand je suis arrivée là ce matin avec l'avion de 6 heures, c'est vrai que j'ai remis rapidement ma doudoune. Bah oui, forcément, alors. Mais bon, j'ai pris quand même du soleil. Oui. Bah tiens, toi, il est derrière nous, c'est Monsieur Badi, hein, touche à bois. Alors moi, je voudrais te poser une petite question. Si je te prends ton téléphone portable tout de suite, qu'est-ce qu'il y a comme musique dans ton téléphone portable pour te connaître un petit peu plus, pour tes influences? Alors moi, je te cache pas que je suis très éclectique. J'aime me nourrir de tout style de musique. J'adore les fusions aussi. Oui. J'adore les artistes actuels. D'ailleurs, j'ai même été la voir en concert. J'ai été voir Beyoncé, Rihanna. J'adore Bruno Mars, j'ai baigné avec Michael Jackson, Aretha Franklin, quoi d'autre, James Brown, j'adore, Alicia Keys, tous les artistes du moment, les artistes un peu groovy. J'aime aussi le jazz, Ella Fitzgerald, enfin, et bien d'autres. Oui. Et c'est vrai que j'aime aussi parfois écouter de la musique aussi française. J'adore aussi Aznavour. J'aime bien aussi de temps en temps écouter certaines artistes actuelles du moment. J'aime bien Jennifer. Au soleil. J'aime bien cette chanson. Voilà, il y a des artistes. Voilà, mais c'est vrai que j'ai plus des influences. Dites black music. D'accord, dites black music. Est-ce que tu as des rencontres, des duos, tu as eu, tu rêverais d'en faire avec certains artistes? Ah oui, pourquoi pas, ouais. Franchement, j'aimerais bien faire un duo avec... Michael Jackson, non, c'est trop tard. Hein. Michael Jackson, malheureusement. Bob Marley aussi, il faudra revenir. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup... C'est une mauvaise année pour certains... Oui, malheureusement. Pour les artistes de 2016, ouais. Comme l'a précisé Madonna, c'était une mauvaise année pour de bons artistes. Donc tels que George Michael, Prince... Il y a eu aussi Michael Jackson et j'en passe. Donc moi j'aimerais bien pourquoi pas Madonna, j'adorerais faire un duo avec Madonna par exemple. J'ai pas son 06, mais on peut essayer. C'est toi jamais si quelqu'un là, je suis preneur. Je suis un ami Facebook. Voilà. J'adore Zao. Ah c'est plus. Je peux plus facilement l'avoir Zao, alors pas de problème. Voilà, donc on va. Hein. J'aime bien aussi Maître Gims. Maître Gims, oui. Ouais, Maître Gims, j'aimerais bien faire un duo avec lui. Maître Gims, je crois qu'il vient d'ailleurs dans pas longtemps sur Orléans et au mois de mars, de mémoire, on va avoir une petite interview avec lui. Alors on lui touchera un petit mot alors. Oh, c'est génial. Et ben merci à toi, Sébastien. Il n'y a pas de souci. Alors justement, un petit coup de cœur. Tiens, tout de suite l'instant même, connu ou pas connu, est-ce que tu as un artiste comme ça, un petit coup de cœur que tu as eu, tu as écouté, que tu as vu, aussi bien en musique, en théâtre, ton petit coup de cœur du moment? Mon petit coup de cœur du moment, tout. La Thaïlande, forcément. Tu sais qu'en Thaïlande, moi j'ai chanté d'ailleurs en Thaïlande. Ah oui. J'ai chanté Paul Mary, j'ai chanté Stand By Me. J'ai chanté quelques chansons qui avaient des reprises. Moi j'aime bien Bruno Mars en ce moment, ce qui me fait. Georges Légende aussi, j'aime bien. Qui d'autre? Ouais, non, franchement, ça serait Bruno Mars. Bruno Mars. Du moment, ouais. D'accord. Ouais. Allez, moi, on va se réécouter un petit morceau à toi aussi, quand même, parce qu'il faut quand même en parler. Il y en a marre de quoi, alors? Il y en a marre de se faire marcher sur les pieds. Et voilà. Allez, Arc-en-Ciel, il y en a marre. Eva Kate, et on continue juste après. Merci. Faire marcher sur les pieds. posé sur le sol. Les catastrophes me tombent sur la tête. Je sors de chez moi, arrivé dans mon train. Ticket s'il vous plaît, mademoiselle. Je reste calme, sereine. Je vais sonner l'alarme du système. Car dans le système, il faut bien que tu paies. Ou bien il t'enchaîne. Y'en a marre de souffrir, marre de souffrir. Marcher sur les pieds. Y'en a marre de souffrir, marre de souffrir. Marcher sur les pieds. Y'en a marre de souffrir, marre de souffrir. Marcher sur les pieds. Y'en a marre de souffrir, marre de souffrir. Marcher sur les pieds. Je m'emballe, tu me téléphones. Tu me demandes si je veux sortir ce soir. Je dis non, non, non, j'espère pas que tu déconnes. Car moi, je serai à l'heure au rencard. Je me fais la plus belle pour aller danser avec mon John Travolta. En cabriolet, naturellement, tu me prends dans tes bras. Et qui vient tout gâcher encore une fois. Uniforme, mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît, contrôle d'identité. Y'en a marre, c'est sa mali, gimoli, moli, moli. C'est tout ce qui compte aujourd'hui dans ce pays. Y'en a marre, c'est sa mali, my honey, honey, honey. On s'envole tous les deux aujourd'hui pour Miami. Y'en a marre, c'est sa mali, gimoli, moli, moli. C'est tout ce qui compte aujourd'hui dans ce pays. Y'en a marre, c'est sa mali, my honey, honey, honey. On s'envole tous les deux aujourd'hui pour Miami. Y'en a marre de se faire, marcher sur les pieds. Y'en a marre de souffrir, marre de souffrir, marcher sur les pieds. Y'en a marre de souffrir, marcher sur les pieds. Y'en a marre de souffrir, marcher sur les pieds. Oui, il y en a marre de se faire marcher sur les pieds. Moi, je marche beaucoup sur les pieds des dames quand je danse. J'ai des grands pieds, ça doit être pour ça. Ma femme me le dit. Alors, il y en a marre. Mais non, on n'a pas marre d'être avec toi. On adore cette musique-là. Alors moi, j'ai un chanteur avec moi en face depuis tout à l'heure. Fom, il bouge sur sa chaise. Hein. Oui. C'est tes influences, ça, Fom ? C'est pas du tout mes influences. Mais c'est pour ça que je dis ça. On est étonné toujours, oui, le contraste. Complètement, mais j'adore ça. Voilà. Moi, j'adore quand ça groove. Oui. Voilà. Et justement, je voulais poser à Eva une question, puisque tu m'as proposé. Oui. Je voulais lui demander comment est-ce qu'elle a commencé à chanter ? Non pas qu'est-ce qui lui a donné envie de chanter, mais comment elle a commencé concrètement. Eh ben avec sa brosse à dents devant le miroir, comme toutes les petites filles. Non. Non, pas du tout. Ben moi, je chantais beaucoup par la fenêtre, en fait. D'accord. Et je racontais mes déboires. J'aimais bien raconter, me chanter des chansons avec mes déboires. Ça me donnait du courage. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'il m'est venu en fait après l'inspiration, l'envie d'écrire, l'envie de composer. Voilà. Déjà moi-même quand j'étais plus jeune, j'improvisais déjà toute seule, je chantais par ma fenêtre et je me racontais mes galères de la journée, mes trucs sympas de la journée, enfin j'aimais bien me chanter à moi-même quoi. D'accord. Eh bien, une petite question que tu voudrais poser, ben alors tu sais pas encore qui est notre prochain invité ici à Radio Arc-en-Ciel. Faut que je cherche sur mon agenda, ça c'est compliqué. Il y a plusieurs artistes la semaine prochaine, on aura Patchy, Scars et Karen. Donc c'est trois interviews qu'on aura la semaine prochaine. Une petite question comme ça, tu voudrais que je leur pose de ta part. Une petite question. Bien sûr, oui. Bah, je les connais pas, donc je sais pas trop quelle question je vais leur poser. C'est difficile à ça, oui. Ouais, parce que je les connais pas. Est-ce que ça leur dit de faire un petit duo ? Je sais pas, moi. Ouais, d'accord. Non, pourquoi pas, une invitation, oui, pourquoi ouais. pas. Ok, bah ça marche, on va leur poser une petite question. Alors, Eva Kay, ton rappel pour tout connaître de notre chanteuse ce matin, le Facebook, donc Eva Kay, EVA, un petit espace, KHEIT. C'est exact. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas d'autre site pour retrouver l'album, à part les plateformes où on t'envoie un petit truc. Alors, sur Facebook comme je suis sur Zimbala, oui. Donc je suis forcément en téléchargement sur iTunes, donc vous pourrez télécharger certaines de mes chansons sur iTunes. D'accord. D'accord, d'accord. Puis ben, nous, on continue la diffusion des morceaux qu'on a, puis dès qu'il y a des nouveautés, t'hésites pas, tu nous renvoies tout ça, au contraire. Avec un grand plaisir, Sébastien. Bah oui, bien sûr. Puis tu feras un bisou à Pascal. Oui, avec un grand plaisir. Je remercie beaucoup Pascal Villard et Jean-Marc. Monsieur Marcel Benamou. Pourquoi je dis Jean-Marc à chaque fois ? Voilà. BMG Fil Rouge. Oui. Avec qui je suis en collaboration qui sont mes deux nouveaux agents artistiques. Et ils se bougent les fesses parce que avec eux, j'ai sans arrêt des nouveautés, des nouveaux talents et toujours aussi magique. Et je lui dis à chaque fois, Pascal, quand je l'ai au téléphone, ce que tu m'envoies, mais c'est merveilleux. On adore ça, nous, ici. Donc, on continuera à vous diffuser les artistes. On est là à votre service. Eh ben, en tout cas, heureusement qu'il y a des radios comme vous. Hein. Ben, merci, c'est gentil. Heureusement que vous existez. Voilà. Pour nous faire exister aussi. Eh bien, Eva, un grand, grand merci à toi. Bon courage pour la suite. Et puis, toute ton actualité, s'il y a des dates de concert, des choses comme ça, tu nous fais signe sur Facebook, tu nous envoies les morceaux. Avec un grand plaisir. Normalement, je devrais refaire un concert à partir de avril-mai au réservoir, mais je vous communiquerai en temps et en heure les informations exactes. Et de toutes les manières, les informations seront communiquées sur ma page Facebook. Sur ta page Facebook, ça marche. Eh bien, merci. À bientôt, Eva. Bon courage pour la suite. Merci. D'accord. Au revoir. À bientôt. Gros bisous. À bientôt. Merci. Au revoir. Everybody, yeah, yeah, yeah. Everybody come on now.